Jean-Jacques, monsieur et madame, les enfants et tout, avec leur premier 45 tours. 10h, 22 minutes et 30 secondes sur Fun Radio. Très bon week-end à tous. Vous êtes avec Captain Tornistor. Bienvenue à bord si vous venez d'ouvrir les yeux. Et pour tous ceux qui travaillent, bah bon courage. Hein. Bon courage, on est avec vous, on pense à vous. Sur plus de 130 villes à travers toute la France. Et dans toute la France également, sur Minitel, 3615 Code Fun. Venez me rejoindre en direct et dialoguer avec moi-même et plein d'autres gens vachement sympas. 3615 Code Fun, rubrique dialogue DIA. On vous attend, mon pseudo à moi, c'est Captain Tornistor. Dans quelques instants, Alain Souchon et une nouveauté à laquelle on croit, dure comme une vinyle, sur Fun Radio. Apprendre à conduire dès 16 ans grâce à l'ECF, l'école de conduite française, oui. Mais devenir le meilleur jeune conducteur de France, c'est le nouveau challenge que te propose l'ECF et Renault. Pour la première fois en France, il t'est possible de démontrer tes talents de bon conducteur en participant au premier challenge national des jeunes conducteurs avec, à la clé, une Renault Super 5 pour le meilleur et de nombreux cadeaux pour les autres. Bien conduire est un art, bien se conduire aussi. Alors si tu veux faire partie du dernier carré des meilleurs jeunes conducteurs lors des finales parisiennes des 24 et 25 juin, n'oublie pas de retirer ton dossier d'inscription à l'ECF et chez Renault avant le 25 mai. Renseigne-toi sur ton Minitel en tapant 3615 code FUN. Je papote, tu papotes, il papote, elle papote. Bref, nous papotons tous sur le 3615 FUN. Vite, un conseil mode d'emploi. À ta gauche, un téléphone. À ta droite, un Minitel. Au milieu et en stéréo, FUN Radio. La radio que tu aimes. La radio qui t'aime. Avec tout cela, branche-toi sur le 3615 FUN. Et alors Et alors, bienvenue dans la messagerie Fun Radio. Avec tous tes animateurs préférés. Et tous les auditeurs qui ont choisi la même radio que toi. Sur 3615 Fun, on ne s'ennuie pas. On papote. On se rencontre. On se drague. On s'amuse, quoi. N'oublie pas, 3615 Fun, c'est ouvert toute l'année. Et il y a toujours du monde. Fun Radio. Mois de mai formidable chez Neboer. Venez choisir votre 205, 309 ou 405 parmi les 1000 Peugeot du stock permanent Neboer. En fonction des options choisies et sous réserve de l'acceptation de votre crédit, nous vous assurons une livraison immédiate de votre nouvelle Peugeot avec des conditions spéciales Fun Radio. C'est ça Neboer. Neboer à la Porte Champéret, 9 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, Paris 17e. Téléphone 4766 0244. 4766 0244. Homme blanc, dire trop de bêtises. Va chercher fourmis et miel. Non, non, attends, j'ai mieux. Regarde. Hugues, un billet pour Mer de Sable. Eh oui, cette année, la Mer de Sable vous surprendra encore plus. Et pour 52 francs seulement, frisson garanti, avec le nouveau bateau pirate, des jeux, des attractions, des manèges, toujours plus de sensations. Et j'oubliais, un spectacle de western avec l'attaque du train par les Indiens. Maintenant, toi, montrer piste à suivre. La Mer de Sable, dans le parc d'Hermenonville, accès par l'autoroute du Nord à 30 minutes de Paris. Sortie Hermenonville. Téléphone 16 44 54 00 96. 52 francs l'entrée, c'est pas cher du tout. Alors, toi venir avec nous. Et si toi mentir... Mais tu m'avais promis Tesco. Vous aimez la fête? Foncez au Live Club Hacienda. Toute l'équipe vous attend et vous propose ses spectacles de travestis dans une ambiance de fête. Ils sont tous là, la mère Denis, Marinette, Fabiola, Tartine, Sabrina et même Iti. Et tous les dimanches soirs, le Live Club Hacienda est chauffé à blanc par une ambiance sextase. Le Live Club Hacienda, 25 route de Marolles à Sucy-en-Brie, téléphone 45 90 23 25, 45 90 23 25. Paris, côté ouest, près de la Porte Maillot, le magasin Bayaville, Habillant, Chevignon, Levis, Liberto, Compagnie de Californie. Bayaville, Habillant, Claude. La ligne de jeans de Marité François Giorgo. Bayaville, habille à l'ouest. 99 avenue des Ternes, métro Porte Maillot. Entrez, entrez, mesdames et messieurs. Entrez, bienvenue à la brasserie Victor. Faites le premier pas, vous ne le regretterez pas. Pensez brasserie Victor quand la fin vous jette en sort. Brasserie Victor! Confiez votre faim au garçon de la brasserie Victor. Au cœur de la nuit parisienne, entre le Palace et les Folies Bergères, faites des tapes autour d'un monumental plateau de fruits de mer. Ou si vous préférez, un homard thermidor, un coco Riesling. C'est bon, c'est frais, c'est gourmand. Bref, quand la faim vous est un sort, pensez. Brasserie Victor. 12 rue du Faubourg-Montmartre, téléphone 47 70 62 39. Chevignon, Lévis, Liberto, Compagnie de Californie et Clos de Marité et François Girbeau, Vaillaville, Abbaye à l'ouest. 99 avenue des Ternes, métro Porte Maillot. Radio. When petite sœur, we'll just have to remember. Quand je serai KO, c'est gai, c'est frais, c'est sautillant, c'est vraiment formidable, c'est vraiment excellent. C'était bien sûr Soul Sister sur Fun Radio, 10h34. Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. Did you have- maintenant disposition rouge. Décidément, Monsieur Spock, comme d'habitude, nous fait des alertes pour rien. Absolument, puisqu'il s'agit en fait tout simplement et tout bêtement, non pas des Klingons, non, mais d'une Dédiphone. Eh oui. Par téléphone tout de suite. Alors attention, vous êtes prêts? 47 22 5000, 16 1 bien sûr si vous appelez d'un peu plus loin de Paris, et 00 33 1 pour nos amis qui sont en Belgique. J'espère que vous avez du soleil pour ce beau week-end de Pentecôte. D'ailleurs, on reparlera tout à l'heure d'une soirée qui a lieu ce week-end en Belgique. Hein? Ouais, vous allez voir, c'est super. Vous êtes prêts? Donc 47 22 5000. Dans quelques instants, ce sera peut-être vous en direct. Et en tout cas, je vous dis à tout de suite. Jusqu'au 17 juin, si vous arrêtez quelqu'un avec un radiocassette stéréo Radiola 9 et que vous lui demandez « Hey mec, t'as pas 100 balles ?» s'il vous répond « Non !» C'est un menteur ! Parce que jusqu'au 17 juin, Radiola vous offre une belle pièce de 100 francs en argent pour l'achat d'un radiocassette stéréo Radiola. Non ! Si ! Les nouveaux aventuriers, qui sont-ils? Kersauzon. Non, il n'est pas un marin d'eau douce. Après 125 jours de navigation, il établit un nouveau record du tour du monde à la voile en solitaire. Les nouveaux aventuriers, le magazine de toutes les aventures. Le numéro 11, chez votre marchand de journaux, 25 francs. Fun Radio. Atari Magazine vous présente sa nouvelle formule au Palace le 18 mai dans Un écran d'avance réalisé par Atari Magazine. Avec dans les rôles principaux, Infogramme, Human Technology, micro-application, synergie et communication, les costumes d'Eric ou alors tout nu, dans un décor idéal, le Palace. Alors, procurez-vous vite le numéro 1 de votre Atari Magazine, nouvelle formule. Une surprise vous y attend. Avec tous les détails de cette soirée exceptionnelle, un écran d'avance. Atari Magazine, nouvelle formule, en vente dans tous les kiosques et chez votre marchand de journaux. Tout, vous serez tout sur le foot en tapant sur votre Minitel 3615 code le foot. Carton jaune. Toute la passion du foot au pied levé sur le 3615 code le foot. Tout pour gagner gros au loto sportif sur le 3615 code le foot. Penalty. Tout pour gagner au top péno 3615 code le foot. 3615 code le foot, tout sur le foot. Biarritz, été 89, 4 étoiles illuminent 4 golfs. Pendant 4 jours, 4 étoiles brillent pour la plus prestigieuse compétition de golf amateur. Biarritz, du 26 au 30 juin, les 4 étoiles de l'hôtel Miramar organisent le Trophée Miramar. 4 jours sur les greens des 4 meilleurs golfs de la région. Le Trophée Miramar, l'événement du golf européen. Inscription à l'hôtel Miramar ou à l'hôtel Regina au 16 59 41 3000. 16 59 41 3000. Le Trophée Miramar, les 4 étoiles des greens. L'école française de Budo et sa fédération présentent la 4e Coupe de France de Budo. Oh le Budo, c'est un art martial mixte qui demande à la fois un entraînement physique et mental. Il y a dans le Budo à la fois l'esprit de vaincre, mais surtout l'esprit de paix, pas de violence, un esprit constructif. Deux types de combats, à main nue ou bien armé, d'un poignard ou d'un sabre en mousse. La 4e Coupe de France de Budo avec 120 participants, samedi 20 mai de 14h à 21h au complexe sportif de Montreux en Seine-et-Marne. Accès direct en train par la gare de Lyon ou par l'autoroute du Sud, sortie Fontainebleau. Prix des places, 20 francs. Pour tout renseignement, appelez le 48 58 05 13. Venez découvrir Premier Jour, un nouveau groupe de rock français, vendredi 19 mai à 22h. Nous serons en concert avec Fun Radio au Cirque d'Hiver. Alors, pour tout renseignement, téléphonez au 42 70 01 43. 42 70 01 43. Prix des places, 50 francs, chouette! En plus, il y a un cocktail gratuit. D'où je suis moi? D'où je suis? C'est simple. Tu vois Stockholm? Tu vois Alger? Eh bien, je suis né à 3 km d'Alger. Ils ont tellement téléphoné qu'ils nous ont fait sauter le petit standard. Vous savez que vous êtes formidables. Non, mais vous savez que... Ah ouais, quand même. Alors attention, prochaine Dédiphone, on remet ça dans une heure. Et puis, tout de suite, une Dédiphone sur Minitel. C'est Patricia qui écoute Fun Radio du côté de Rennesville. Une Dédiphone pour Eric qu'elle aime plus que toute autre chose au monde. Ah bah dis donc. Ça, c'est de l'amour. Fun, c'est la meilleure radio qui m'envoie du soleil et de la joie. Longue vie à Fun. Gros bisous. Gros bisous à toi, Patricia. Et vous continuez 3615 Code Fun. Et n'oubliez pas qu'il y a plein de jeux, on en reparlera tout à l'heure. Il est 11h moins le quart, très très bonne matinée sur Fun Radio. Voici justement Fun House. Anytime. ça on y croit, c'est nouveau, c'est sur Fun Radio bien sûr. Attention, si vous avez vraiment envie de regarder la télé, moi à votre place j'écouterai Fun Radio, mais si vraiment vous y tenez, voici le zappeur pompier. Il est navrant de constater combien la télé passe son temps à se répéter. Genre, elle diffuse et rediffuse à longueur d'année les mêmes séries, les mêmes tronches, les mêmes idées. Et pour changer, ce soir, on nous remet ça. Dans le trip, on fait des émissions de variété en se baladant aux quatre coins du monde. Le père Drucker nous chante Champs-Élysées pendant 2 heures en multiplex. Ça veut dire en gros qu'il est en même temps genre à Tokyo, Berlin, Rabat et même, ce même de la technologie moderne, à Paris. Inratable et moins fatigant que des vacances avec le décalage horaire et les avions en classe économique à 20h30 sur Antenne 2. Autre plan repompé sur M6, c'est un téléfilm genre sur des gamins beaux, jeunes, gentils et fierté des fiertés pour n'importe quelle mère digne de ce nom des Américains. Et ils vont découvrir la vie avec ses détails sordides, Philippe Gildas, les pubs pour les capotes, les bons plats de Marie et surtout le racisme. Bref, plein de bons sentiments américains dans Jeunes adultes à 20h35 ou comment un jeune blanc va tomber red love d'une jeune noire. Aussi peu passionnant que commun, franchement. Avant de partir, notez le retour des morts-vivants à 23h05 sur Canal+, et à propos de morts-vivants et surtout de retour, il y a un spécial Chantal Nobel sur TF1, et le pire, c'est que c'est vrai. N'ayez à peur de rien. Bébé de Stevie Wonder.